tissent de l'eau, faufilent l'air, hérissent d'aiguilles les canoplanes, capturent et transient l'âme comme un oiseau dans un filet mouillé aux mailles interminables.